Salut les gens, salut à tous, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur RGM. Avant de retrouver Michel Thor, Wanda Jackson et les Beatles, Twist and Shout, sachez qu'un événement va bouleverser notre vie quotidienne. À Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, on inaugure le premier hypermarché de France. C'était le 15 juin 1963. Excellent après-midi, merci à vous de nous accompagner sur le 107 FM. Not for you. am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Baby, nobody else, nobody else will do. Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Michel Thor, la jolie fille du facteur de Pertuis, dis-moi maintenant. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de mars 1968 et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée aujourd'hui à Salvatore Adamo. Voilà, c'est une partie de ce que vous retrouvez si vous restez en notre compagnie. 1959. Catastrophe. Les barrages de Fréjus et de Malpassé cèdent. Dave Brubeck sort Take Five, la télé s'équipe d'une nouvelle pendule. Une valse à mille temps, une valse à mille temps de La Belle au bois dormant fait rêver. Burt Lancaster et Audrey Hepburn jouent pour John Huston dans The Unforgiven. Une valse à mille temps, frosse aux amants, trois. Vélo Solex transporte. Deuxième temps de Banania remplace le café noir. Hello, baby. Et l'ange blanc du catch descend dans l'arène. Yeah, this is the big Bopper speaking. Autopsie d'un meurtre fait peur. Berlier sort le plus gros camion du monde. Fiat, l'une des plus petites voitures. La mythique Fiat 500. Gérard Philippe nous quitte alors que sortent les liaisons dangereuses. Le porte-avions Clémenceau prend la mer. La fièvre monte à El Pao. Et le monde de l'art, éberlué, inaugure le musée Guggenheim à New York. C'est le testament de l'architecte Frank Lloyd Wright qui s'éclipse. J'aimais une fille, Ruby est son nom. Surnommé le père tranquille du twist, Richard Anthony, Ruby Baby. Revenons à l'année 1964 et plus précisément en février. Hugo Frey est en première partie de Johnny Hallyday à l'Olympien et il en profite pour sortir un nouveau 45 tours sur lequel figure entre autres Tout le long du chemin. Oui, tout le long du chemin, tout le long, donne-moi la main, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Oui, tout le long de ma vie, tout le long, des jours et des nuits, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Et si je perds courage au long de mon voyage, je revois ton visage, je pense à toi tout au long du chemin. Un jour et tu verras, on se retrouvera, comme une enfant près de mon cœur tu dormiras. Je t'aime, je ne pense qu'à toi. Oui, tout là-haut, dans le ciel, tout là-haut, chante l'hirondelle. Je t'aime, je ne pense qu'à toi. Oui, tout là-haut, dans le ciel, tout là-haut, brille le soleil, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Dans le vent, la tempête, je pense aux jours de fête, et plus rien ne m'arrête. Je pense à toi tout au long du chemin. Pendant les bois, tu verras fleurir le muguet. Ensemble, nous irons pour en faire des bouquets. Je t'aime, je ne pense qu'à toi. Oui, tout là-bas, là-bas, là-bas, là-bas au pays. Bah, tout là-bas, là-bas, un jour tu m'as dit, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Oui, tout là-bas, là-bas, là-bas, là-bas au pays. Tout là-bas, là-bas, un jour tu m'as dit, je t'aime, je ne pense qu'à toi. Dans le vent, la tempête, je pense aux jours de fête, et plus rien ne m'arrête. Je pense à toi tout au long du chemin. Je vois déjà là-bas rêver notre maison, dans le printemps, fleur qui brille à l'horizon. Je t'aime, je ne pense qu'à toi. Adaptation contre version originale sur Radio Gemozo, la musique s'écoute en deux versions. Avec les chaussettes noires, je t'aime trop pour la version française. Donc, premier match, premier choix pour vous au 03 29 62 40 40. Pour te dire je t'aime, pour vivre à tes genoux, te lire des poèmes, trop bien être fou, mais moi je sais quand même. Que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Tu es dans mes rêves, ton image est partout. Je ne suis plus le même, car tu m'as rendu fou. Mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Si tu voulais m'entendre, rien ne pourrait nous séparer. Tu serais douce et tendre, et le temps ne pourrait rien changer. Pour savoir te plaire, pour t'avoir dans mes bras, dis-moi ce qu'il faut faire, car je suis fou de toi. Oui, mais moi je sais quand même, je vais lever de là, que pour toujours je t'aime. Je vais lever de là, je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Dans mon cœur en fête, chérie, on n'attend plus que toi. J'ai tant d'amour en tête que je ne peux pas garder ça pour moi. Tu m'as dit je t'aime, de joie j'en deviens fou. Au diable les poèmes, j'ai trouvé bien pour vous. Oh, donne-moi tes lèvres, tant pis si j'ai la bière. T'adorer ce n'est pas un défaut. Non, je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Après la version française, la version originale à Gatineau, c'est Elvis Presley que nous allons bien sûr retrouver sur Radio Gemozo. Clock is striking 13. I think I'm on my mind. You know it's getting aggravating. How long can I keep waiting? Tell me if you love me, yes or no. I gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need you. How pity on this part of mine. Well, if you need and want me to, I'll be your one and till the end of time. Saw the fortune teller, had my fortune read. She sent me to the doctor, who sent me straight to bed. got my mind on lipstick. Will you kiss away my cares and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. My mind on lipstick. Shooby-dooby-dada. Will you kiss away my cares and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. I've been waiting in school all day long, waiting on a bell to ring so I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some gum. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in the shoebox, then it's time to run. Spook out, baby, gonna take the lead. Sure look good in them baby doll shoes. One, two, pull the shoes. Three, four, get out of the door. Five, six, come get your kicks down on the corner of Lincoln and 46. Books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some going. Heading down to the drugstore to get a soda pop. Throw a nickel in the shoebox and we stop in front. Scook out, baby, gonna tell you the news. You sure look good in them baby doll shoes. One, two, pull up your shoes. Three, four, get out of the room. Five, six, come get your kicks down on the corner of Lincoln and 46. She got a move. Stop rockin', baby. Rockin', baby. Gonna rock all night. Rock all night. Just wait and see. Ricky Nelson, Whitin Shoal. Ricky Nelson qui déclarait à un représentant de la presse américaine, les adolescentes préféreraient coucher au moins une nuit avec Elvis Presley. Avec moi, elles se contentent d'acheter mes disques. Voilà, c'était la différence entre Ricky Nelson et bien Elvis Presley. Entre nous, il est faux, une affirmation qui n'engage que Petula Clark en cette année 1963. Il est fou, il est fou.

même à te dire je t'aime, je te le promets. J'apprendrai à rattraper tout le temps que j'ai perdu en 20 ans, je te le chuté de la 25e place à la 30e place, les Rolling Stones toujours présents ce mois de mars 1968 avec She's a Rainbow. Thank you. 30e, les Rolling Stones, She's a Rainbow. Alors, tout comme les Rolling Stones, d'ailleurs, Claude François, depuis son premier tube, Belle, Belle, Belle, est toujours présent dans le hit parade. Pardon, son nouveau titre rentre en ce mois de mars 1968 directement à la 14e place du hit parade. Pardon pour cette école où je t'ai rencontré, et pour tes cheveux blonds que je dirais. Pardon pour cette table où nos noms sont gravés. Pardon pour ces pages arrachées à mes cahiers, pour cette encre violette que j'employais. Pardon d'avoir osé t'écrire que je t'aimais. Et pardon d'y penser, pardon d'en parler, pardon d'en souffrir, pardon d'en pleurer. Pardon pour cette ville où j'ai suivi tes pas, où ton regard qui s'est posé sur moi. Pardon pour cette lune qui brillait ce soir-là. Pardon pour ce vieux banc où j'ai parlé d'amour, pour cette chambre où je t'ai fait l'amour. Pardon pour cet amour que tu as piétiné. Pardon d'en souffrir, pardon d'en pleurer, pardon d'en mourir, pardon d'en crever. Pardon. Mon fantôme qui viendra te hanter et passera sa mort à tes côtés. Pardon si je poursuis au soleil comme à l'ombre. Pardon pour cette pluie qui collera tes cheveux, ce vent du nord qui frapperait tes yeux. Pardon pour cette pierre qui blessera ton pied. Pardon pour cette robe qui collera corps, pour ce miroir qui regardera ton corps, pour ce drap sur lequel tu dormiras. Pardon pour ce ventre de mer qui m'a porté, et pour ce jour maudit où je suis né. Pardon pour cet enfant qui est devenu moi. Pardon pour les bras dans lesquels tu couvriras. ...168. L'envolée de Robert Kennedy est brisée à jamais, la malédiction s'acharne. Le Pariscope ravale sa façade. Et les hippies réinventent le théâtre en Avignon. Louis de Funès, plus grimaçant que jamais, est tyrannique à souhait dans Le Petit Baigneur. Cazar conçoit un environnement transparent et gonflable. Paco Rabanne se diversifie, plus de métal, du papier et du caoutchouc et des jolies femmes. Les Français s'enregistrent et s'écoutent sur le magnétophone à cassette. Une cassette ? J'aime. Les loups sont sortis de Paris. Serge Reggiani fait sortir les loups de Paris. Et des animaux étranges cavalent en liberté dans le parc de Thoiry, dans les Yvelines. Claude François écrit et crée un tube bientôt planétaire. Et comme d'habitude, les chanteurs à la mode, les Bee Gees ont des looks à la mode. Société générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à Bono mit les voiles, emportant la sacoche du garçon payeur, dans la deux Dion-Ton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs, avec Raymond la science, les bandits en auto, c'était... La bande à Bono. Les banques criaient misérables quand s'éloignait le bruit du puissant moteur. Comment rattraper les coupables, qui fuyaient à toute allure, à 35 à l'heure, sur les routes de France, hirondaient les gendarmes. Étaient à leur trousse, c'était nuit et jour en alarme, en casquette à visière, les bandits en auto. C'était la bande à Bono. De Monte Carlo. En fait, il voulait vite se ranger des voitures. Mais un beau matin, la police encercla la maison de Jules Bonneau. A choisi avec ses complices. Il prenait dans sa chambre un peu de repos. Tout Paris arriva à pied, en tramway, en train. Avec des fusils, des pistolets et des gourdins, hurlant des balcons, les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Et Bono Thomas, tragique destin. Alors pour la dernière course, on mit dans le fourgon la bande à Bono. Après les risques du métier, Jacques Brel tourne la bande à Bono. La bande à Bono, la chanson de Joe Dassin, se classe quant à elle à la 8e place du hit parade. En ce mois de mars 1968, il vous invite au bal des Laz. Le nouveau titre de Michel Polnareff fait une entrée fracassante à la 4e place du hit parade. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château, dans le château de la. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château, dans le château de la. Thank you.

sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, issus des premières communautés hippies de Californie, les mamas et les papas, Monday Monday. Revenons à l'année 1960, le nouveau franc débarque dans les porte-monnaies, Jean Ferrat obtient la consécration grâce à Mamom, Brasilia sort Hut de Terre et Ray Charles crée un nouveau standard avec Georgia On My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. To reach out to me,

moche d'être sans argent de poche. Les Sounders et Pat Winter, L'argent de poche, une des adaptations françaises du Summertime Blues d'Eddie Cochran. Vous venez de nous rejoindre, je suis ravi de vous tenir compagnie. C'est un triste jour, je m'en vais, le cœur lourd, les plus beaux rêves ont une fin, le mien s'achève, je n'y peux rien, ce n'est pas de chance, on y croyait, mais la romance est terminée. Il faut se quitter, mais ça devait arriver. Bye bye love, adieu mon amour. C'est un triste jour, je m'en vais, le cœur pour les reproches. Il est trop tard, mon cœur décroche, c'est sans espoir. Pourtant j'espère bien retrouver l'amour sincère pour le garder. En babalo, adieu je m'en vais. Il faut se quitter, ça devait arriver. Oh, il faut se quitter. C'est du Vartan Bye Bye Love. Après la version française, la version américaine interprétée par les Everly Brothers. Deuxième match, deuxième choix pour vous sur Radio Gemozo cet après-midi. Salut les 60, souvenirs, souvenirs sur Radio Gemozo. Yeah. Yann Edine, Surf City. Après le duo californien, un groupe français, Les Chats Sauvages, avec Mike Shannon, leur nouveau chanteur, qui a remplacé Dick Rivers au cours de l'été 1962. Dernier baiser sera d'ailleurs le seul succès du groupe avec Mike Shannon. Vient la fin de l'été sur la plage. Il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer. Comme il a commencé, doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Vois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé. Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors se quitter. Les vacances ont duré. Lorsque vient septembre et nos baisers. Cette plage et nos baisers, et nos baisers, et nos baisers. Le 15 juillet 1965, 21 images de Mars sont transmises par la sonde Mariner. Mais c'est dans le grenier qu'Eddy Mitchell, en ce mois de juillet 65, a trouvé la photo des jours heureux. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. Elle était dans les pages d'un cahier, d'un vieux cahier d'écolier. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. La photo où nous sommes tous les deux, la photo des jours heureux. Ce garçon stupide qui ne sait pas quoi faire de ses bras. Ce garçon stupide, c'est moi, oui c'est moi. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. Elle était dans les pages d'un cahier, d'un vieux cahier d'écolier. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. La photo où nous sommes tous les deux, la photo des jours heureux. Cette fille impossible que je voudrais t'en voir revenir. Cette fille impossible, c'est toi, oui c'est toi. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. Elle était dans les pages d'un cahier, d'un vieux cahier d'écolier. J'ai trouvé cet été dans le grenier la photo que je cherchais. La photo où nous sommes tous les deux, la photo des jours heureux. J'ai trouvé cet été les larmes aux yeux, la photo des jours heureux. Quelques minutes, juste après Richie Valens, Come On Let's Go, nous évoquerons dans notre coin du spécialiste la période 60s de Salvatore Adamo. Excellent après-midi sur Radio Gemozo, merci à vous de nous écouter. avec Gérard. C'est rockement bon. Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Cosimo, en Italie. En 1947, le petit Salvatore quitte le soleil sicilien pour la Belgique, où son père a trouvé un emploi de mineur. Sa vocation est précoce, puisque à 17 ans, il remporte déjà de nombreux concours de chant, dont celui de Radio Luxembourg. En 1963, il sort son premier 45 tours sur lequel figure en blue jean et blouson de cuir. Mais ce n'est qu'en 64-65 qu'il devient une vedette en France, triomphant pendant 3 semaines à l'Olympia. Au milieu des yéyés et autres rockers, il semble à contre-courant des modes de l'époque. Pourtant, il séduit toute la famille avec des textes comme « Vous permettez, monsieur », Les filles du bord de mer, mes mains sur tes hanches, tombe la neige ou une mèche de cheveux. En 1967, le conflit israélo-arabe lui inspire Inch'Allah. Tout au long des années 80, malgré quelques problèmes de santé, Adamo n'arrête ni les tournées ni les sorties de disques. Porté par la vague de nostalgie qui déferle, avec sa drôle de voix et son look sage, Adamo, artiste complet, il écrit, compose et arrange ses chansons. Adamo sait toucher son public. En conclusion, nous dirons ce que Jacques Brel dit de lui et le résume parfaitement. Tendre jardinier de l'amour, je sais de plus grandes ambitions, mais je n'en sais pas de plus belles et ce sera également notre conclusion. En blue jeans et blouson de cuir, tu vas rejoindre les copains. Si tu ne vois pas, qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les verras demain? En blue jeans et blouson de cuir, tu te crois en liberté. Ça blesserait ta dignité. En blue jeans et blouson de cuir, du papier brûlé du pain. Vise-moi donc ça, quelle allure. T'as une affiche au pantalon. Tu n'es pas mauvais garçon. Profite de la leçon. T'es pas fait pour jouer les dieux.

Gonzalez pour la partie instrumentale, c'était Les Shadows. Nous allons maintenant nous rendre à Trinidad, aux Antilles. Voilà, à Trinidad vivait une famille. Il y avait la maman, il y avait le papa et le grand-fils aîné qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Et qui va découvrir eh bien, que sa sœur n'est pas sa sœur et que son père n'est pas son père. Enfin, bref, un véritable scandale dans la famille et un tube pour les surfeurs. Oh yeah, Voilà, monsieur le facteur, à l'instant, c'était les Keltons. Un dicton affirme, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Eh bien, moi, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Alors, allez, on va commencer par la mauvaise. Dans quelques secondes, nous allons devoir nous quitter. On se retrouve donc lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Salut les 60. Merci de nous avoir écoutés. Excellente semaine sur Radio Gémozo. Thank you.